Chapitre 8e, le pavillon. Ce bruit soudain avait réveillé Suzanne, soit qu'elle ne dormît qu'à peine, soit qu'elle rêva bien plus tôt du chevalier. Elle se dressa sur son séant, et recueillant bientôt les sons de l'orage avec une étrange avidité, elle se pencha elle aussi vers l'unique fenêtre de sa chambre donnant sur la mer. Les vagues étaient si hautes que la plupart des câbles retenant les barques à la rive menaçaient alors de se rompre. Les mouettes rasaient l'écume, et l'éclair étendait sa bande lumineuse sur leurs ailes. Le vent de l'ouragan ébranlait les minces cabanes de matelots situées auprès du chenal, et devant lesquelles brillait le phare adossé à l'ancienne prison de Saint-Jean-de-Luz. Cet édifice, détruit maintenant, ressemblait alors à une véritable forteresse. Quoique les lumières de ces trois donjons fussent assez rares, c'était en effet l'heure où les prisonniers s'allaient coucher, Suzanne en distingua une au bas de la première tour. Sa réverbération était contrariée par la vague, mais elle rayonnait par intervalles comme un long cierge sur l'eau. La jeune fille rêva au pauvre captif qui se trouvait là, mais il ne lui vint pas en idée qu'elle pût en connaître un seul, toutes ses pensées se trouvant d'ailleurs tournées vers le chevalier. Où était-il alors? Que faisait-il? Pensait-il à elle? Courait-il les rues pour la chercher? Avait-il lancé des espions sur sa trace, ou bien, pour étourdir sa douleur, hantait-il par hasard les tripots et les tavernes? Après tout, Suzanne se repentait de l'avoir fuyé, cependant, comme toutes les femmes jalouses, elle s'applaudissait de cette expérience fatale. Elle voyait l'instant où le chevalier lui serait rendu plus amoureux sans doute qu'il n'était auparavant. Ses secousses de la nature allaient à celles de son cœur. Elle aimait à sentir cette pluie fine passer et repasser dans les longs anneaux de sa chevelure. Chaque éclair, chaque bruit semblait devoir précéder l'objet cher à son attente. Elle espérait un miracle, et elle le demandait à Dieu lorsque la comtesse parut. Suzanne fut très surprise de cette brusque arrivée. Elle avait jeté à la hâte son manteau sur ses épaules avant de se mettre à la fenêtre, et elle avait lieu de croire que la comtesse ne voyant en elle que Gabriel. Vous m'avez trompé, lui dit Concha. Je ne vous en ferai pas un reproche. Vous aimez sans doute et vous aimez un ingrat, je le crains bien. Le chevalier ne peut ignorer cependant la valeur de son trésor, ajouta la comtesse en voyant que Suzanne pleurait. Elle pleurait, en effet, moitié de dépit d'avoir été découverte, moitié d'amour pour Charny. Elle pleurait lorsque, par un mouvement instantané, la comtesse lui prit la main. Cette main était mouillée d'une sueur froide. « Vous l'avez suivi au camp du roi ?»« C'est vrai. »« Il vous aime ?»« Il me l'a dit. »« Vous épousera-t-il »« Peut-être. »« Charny me l'a dit encore. »« Vos parents ?»« Ils sont morts. »« Quoi ? Tous ?»« Tous. »« Et le roi, le cardinal ?»« Je ne leur ai jamais parlé. »« Mais je hais le cardinal. »« Il m'a privé de mon père. » De votre père? Hélas, oui, il y a 4 ans. Je jure de vous faire retrouver votre chevalier. Ah, s'il était vrai. Vous voyez donc bien que vous l'aimez. Convenez que je vous ai fait peur, voilà tout. Peur, oh oui, bien peur, madame la comtesse, je vous assure. Regardez-vous dans ce miroir, vous êtes si belle. La comtesse fut ravie. S'entendre dire qu'on est belle par sa rivale est un hommage indirect à la vanité qui chatouille le cœur des plus vantés. L'Espagnol laissait percer dans ses yeux l'envie d'être utile à Suzanne. C'était une sœur, une amie qu'elle avait devant elle. Si brillant que fût le chevalier, elle l'oubliait pour ne se souvenir que de la belle affligée. Les cœurs généreux sont ainsi faits. Concha était parfois d'une coquetterie féroce avec ses rivales. Elle acceptait le duel et luttait avec elle jusqu'à la dernière extrémité, mais dès que le cœur s'en mêlait, qu'elle se rencontrait à la traverse d'un amour simple et naïf, elle se montrait bonne par nature et par instinct. Sa vanité et son envie se taisaient. Et puis elle était grande dame et Suzanne n'avait pas de famille, elle était espagnole, et cette Française déguisée avait pour elle tout le parfum d'un roman de son pays. Cet amour de monsieur de Charny, poursuivit-elle en regardant Suzanne, avait donc quelque fondement en son esprit pour qu'il pût donner au vôtre une telle alarme? Si vous me trouvez belle, ne l'êtes-vous pas, mademoiselle? N'êtes-vous donc pas plus jeune que moi? Plus jeune, c'est possible, reprit timidement Suzanne, mais aussi belle, je ne le crois pas. Le chevalier m'a souvent dit au couvent que j'étais assez jolie, mais je ne le suis plus le moins du monde à ses yeux depuis que nous touchons la terre d'Espagne. Il me l'a avoué sans détour, je dois le dire. Enfant, mais que trouve-t-il donc de si attrayant aux dames espagnoles? Il leur trouve la peau belle et les mains les plus exquises, un petit pied comme il n'y en a pas sans pareil dans tout le marais, un éventail qui donne le frisson aux amoureux, ce sont ses paroles, des yeux noirs comme le diable, et aussi doux cependant que ceux des anges. N'est-ce point assez pour me désespérer, madame la comtesse? Et dites-moi vous-même si c'est ma faute d'être née en Touraine au lieu de naître en Andalousie. En vérité, ma chère, il ne tiendrait qu'à vous de devenir espagnole. Comment cela? Et mon Dieu, en ne quittant plus l'Espagne? Mais vous voulez fuir, vous exiler, quitter ce chevalier qui vous aime dans le fond de son cœur, j'en suis certaine. Une pierre lancée par la fenêtre entr'ouverte interrompit cette phrase de la comtesse. Le bruit de la pierre sur le parquet parut amorti. C'était un billet qui l'entourait. Concha s'approcha d'une petite lampe, le lut précipitamment. Il était ainsi conçu. Il m'est arrivé ce matin, madame la comtesse, une aventure singulière. Puisque le départ de votre jaloux vous rend un peu libre, je vous demande la permission d'aller vous la conter de point en point. Je pense à vous depuis hier soir avec une horrible constance. On ne saurait croire à quel point vous abusez de mes libertés. On met en ce moment-ci des garde-fous sur la jetée de Saint-Jean-de-Luz. Or, ma belle dangereuse, on ferait mieux d'en mettre autour de vous. Ce jeune seigneur d'Allemagne que l'an dernier vous vit à Madrid et qui faisait mettre en courant la poste le portrait de sa maîtresse au dos de son valet de chambre ne l'avait pas plus présente à l'esprit que je ne vous ai depuis hier. Puisque je n'ai pu rencontrer votre duc, dites-moi du moins l'heure et le lieu où je pourrai demain vous rencontrer. Ce sera le jour de la procession. Nous verrons-nous. Si vous êtes curieuse, j'ai retenu de ce soir un balcon de fer peint de bleu avec des roses blanches attachées par des rubans bleus sur toute la bordure d'appui. Ce balcon fait face à l'église. Vous y aurez des carreaux pour vos pieds, des glaces pour boisson, mon hôte pour cuisinier et pour votre serviteur le plus humble et le moins obligé de tous vos adorateurs, le chevalier L. de Charny. Que pensez-vous de cette lettre ? Dit la comtesse en la présentant à Suzanne. Toutes deux s'étaient penchées au balcon. Mais la nuit était si noire que pas une étoile, comme le dit le brave Sganarel, ne montrait le bout de son nez. Suzanne manqua de s'évanouir et la comtesse partit d'un violent éclat de rire. Voilà bien les hommes, un composé de folie, d'amour, de caprice, quelque chose d'emporté, de tendre, d'ingrat, d'absolu, de naïf et de roué. Il n'y a rien de si contraire à notre repos et rien de si amusant pour notre cœur. Mais en vérité, nous leur devons des leçons. Et votre chevalier en mérite une. C'est convenu, je me charge de vous venger. Me venger? Oh oui, je dois me venger, balbutia Suzanne, à demi suffoquée par les sanglots. M'oublier si vite, vous aimer, vous le dire, mais où donc est-il? Reprit-elle en rabattant sur ses cheveux le capuce de son manteau. Dans cette nuit profonde, on n'entendait guère que le bruit de l'orage dominant les autres bruits. Il cessait par moments pour reprendre ensuite. La petite lumière que Suzanne avait distinguée à la prison tremblotait encore. Tout d'un coup, et dans l'un de ces intervalles de calme que laisse le vent, la jeune fille entendit le son d'une mandoline et peu après ce couplet d'une vieille chanson connue d'elle. « Ma douce Touraine, mes seuls amours, à toi, noble reine, je rêve toujours. À la Pentecôte, quand tout fleurira, de moi sur ta côte qui se souviendra ?» La lumière du donjon s'éteignit aux yeux de Suzanne avec ce dernier couplet chanté par une voix qui, pour n'être plus jeune, ne manquait ni de grâce ni de tristesse. Presque en même temps, et sous la lueur rougeâtre d'un éclair, la jeune fille aperçut un homme qui se laissait glisser dans la mer, de la fenêtre de la prison à laquelle il avait attaché son écharpe. Suzanne poussa un cri de surprise et appela la comtesse. Toutes deux purent voir alors un personnage à demi vêtu qui s'était jeté à l'eau et fendait les lames avec une merveilleuse agilité. La force des brisants était telle qu'il était souvent reporté d'une bague à l'autre. Mais enfin, ils prit terre à la pointe de Saint-Jean-de-Luz et se dirigea en fuyant vers l'un des pavillons isolés qui flanquait le jardin de la comtesse. « Un prisonnier qui se sauve, » murmura Suzanne. « Le pauvre homme, ce n'est pas nous qui irons le dénoncer, n'est-ce pas, madame la comtesse ?» quelque coupeur de bourse qui fait son métier dans les provinces basques. L'autre jour, on arrêtait la voiture du marquis de Léganné. Je pense au contraire qu'il faudrait prévenir mes gens. Vous me faites peur. Si en effet cet homme était un bandit. Ou un meurtrier, ce qui est pire. La prison en renferme deux. Cependant, madame, celui-ci a l'air bien dévot. Voyez donc. Il s'est jeté à deux genoux sur le sable et adresse sans doute une prière fervente au Seigneur qui l'a sauvé. C'est vrai, dit Concha en fixant l'homme. Si j'allais voir quelle figure il a, l'orage est apaisé et le jour commence à poindre. En marchant avec précaution par le jardin jusqu'à ce pavillon en ruine, je pourrais vous dire ce qui en est. À la lueur de l'éclair, j'ai cru voir un visage qui ne m'était pas inconnu. Lequel? Celui de notre capitaine de l'église. N'a-t-il pas été arrêté et conduit au fort de Saint-Jean-de-Luz? Ne m'a-t-il pas dit ce matin qu'il voulait me faire une confidence? Oui, vraiment. Mais je ne souffrirai pas que vous parliez seul à cet homme. Je vais vous accompagner, ou bien vous donner un de mes gens. Il n'est pas nécessaire, madame la comtesse. Ce capitaine ne saurait avoir contre moi aucune intention mauvaise. Je le crois plutôt disposé à me servir. Allez donc, enfant. Mes yeux ne vous quitteront pas. Suzanne s'éloigna après avoir abattu sur ses yeux son large chapeau, et drapée dans son manteau de cavalier, elle eut bientôt atteint le pavillon à travers les allées mouillées de pluie. Le cœur lui battait, car la jeune fille n'avait pas osé avouer à la comtesse le vrai motif de cette curiosité impérieuse. Elle espérait rencontrer Charny. Au moment où elle franchissait la petite grille du jardin, elle crut entendre des pas vers la maison. Elle se retourna, mais elle se trompait sans doute. Arrivée au pavillon, dont la muraille de briques dominait le banc de pierre où l'homme s'était assis, elle repoussa brusquement la fenêtre à mailles de plomb. Le prisonnier recula d'un pas, et Suzanne reconnut Malagotti. La jeune fille ouvrit une armoire du pavillon et y prit un flacon de vin de la Rivera, qu'elle donna d'abord au capitaine. Celui-ci en but une gorgée après avoir monté sur le banc pour saisir le précieux cordial. Le jour était venu, il aperçut les traits de Gabrielle. Un rayon de joie inespéré passa sur ses traits, et il remercia le jeune homme avec une effusion véritable. Le pauvre capitaine n'avait qu'un haut-chausse d'où l'eau débordait de tous côtés, mais il portait au cou une petite médaille que Suzanne ne vit pas sur lui sans un étonnement singulier, et au sujet de laquelle elle s'empressa de questionner Malagotti. Le capitaine répondit qu'il tenait cette médaille du comte de Cernay, mort à la Bastille il y avait 2 ans. « Le comte de Cernay ?» murmura Suzanne, à demi défaillante et en s'appuyant sur le mur qui longeait le pavillon. « Vous l'auriez connu ?» s'écria le capitaine en plongeant dans les regards de Suzanne. « Hélas » balbutia-t-elle. « Mais pour vous en parler, capitaine, vous n'êtes pas ici en sûreté. Entrez dans ce pavillon. » Malagotti obéit à la jeune fille, et à l'aide du banc, il fut bientôt sur le parapet. « Le comte de Cernay était mon père, » reprit la jeune fille, dès qu'elle eut fait asseoir le capitaine auquel elle donna son manteau. « J'ignorais seulement que ce fut à la Bastille qu'il fut mort. On me cachait le lieu de sa détention. »« Votre père ?» s'écria Malagotti. « Votre père ? Alors, mes yeux ne me trompaient donc pas hier. Vous êtes mademoiselle Suzanne de Cernay ? Eh bien oui, c'est moi. » balbutia-t-elle, émue et tremblante, en tendant sa main à baiser au capitaine. Elle y sentit tomber de grosses larmes, puis tout d'un coup elle le vit reculer en fronçant le sourcil d'un air sévère. « Et pourquoi vous cachez sous des habits d'homme ? » demanda-t-il. « Ah, je le devine, vous êtes la femme de monsieur de Charny. »« Sa femme ? Non, capitaine, » dit Suzanne en rougissant, « mais j'ai l'espérance de le devenir. »« J'entends, » fit Malagotti avec un soupir, « vous êtes sa maîtresse. »« Sa maîtresse, et moi ?» qui juré à votre père. Savez-vous bien que nous vous croyions tous mortes, mortes en Touraine, dans cet horrible incendie, il y a 4 ans? Mais alors la duchesse de Châtillon, dans le château de laquelle vous habitiez à Tours avec votre père, m'a donc trompé. Vous aviez donc fui? Vous aviez pu fuir cette nuit même, la nuit de l'arrestation de votre père? Cette nuit, reprit Suzanne, cette nuit terrible qui ne sortira jamais de ma mémoire, j'avais alors 16 ans, 6 hommes à la livrée de Mazarin vinrent en effet arrêter mon père au château de Chaumont en même temps que la duchesse de Châtillon, qui cherchait à gagner des partisans au prince de Condé, alors révolté contre le roi. Mon père était sans fortune. La duchesse, le sachant ami du maréchal de Haucaincourt, lui avait donné asile dans son château. Le comte de Cernay, mon père, entendant le bruit de plusieurs chevaux sur le pont-levis et prévoyant une surprise, se disposa bien vite à brûler tous ses papiers et ceux de la duchesse afin de les soustraire aux agents du cardinal. J'étais couché dans ma chambre. Je fus réveillé par des cris et par une fumée épaisse. Le feu avait pris à la chambre de madame de Châtillon et rien ne put arrêter ses progrès. Je me disposais à fuir avec une mauvaise mante quand tout d'un coup je me vis saisi par trois hommes masqués. Ils m'entraînèrent jusqu'à une barque amarrée près des roseaux de la Loire, éteignirent leurs flambeaux, me mirent un baillon et ne me l'ôtèrent que lorsqu'ils ne furent plus en vue du château de Chaumont, dont les tourbillons enflammés duraient encore. « Trois hommes masqués !» répéta Malagotti en cherchant à se rappeler. « Il y en avait un quatrième, » continua Suzanne, « qui semblait commander aux autres. Celui-là me parut de haute taille. Il ne me dit pas un mot pendant le trajet. Je ne doutais pas qu'on accomplît alors envers moi les ordres rigoureux du cardinal. Vainement, je faisais appel à la générosité de ces hommes. Je me récriais. Et je demandais qu'on me réunît du moins à mon père. Mes ravisseurs ne me répondaient que par leur silence. Arrivé à Orléans, le cavalier auquel les autres rendaient toutes sortes de respects me pria de passer à table avec lui. Il paraissait touché de mes larmes, de mon désespoir. Il persistait à me dire qu'il ne me ferait aucun mal. La collation nous fut servie à tous deux sans qu'il ôtât son masque, ce qui me surprit beaucoup. La fièvre me brûlait, j'avais soif. Et il me versa d'une liqueur dont les premières gouttes ne tardèrent pas à plonger mes sens dans un sommeil léthargique. Mes souvenirs ne s'étendent pas plus loin. Je ne me réveillais qu'à Paris, dans un couvent des Ursulines, dont la supérieure était parente du chevalier de Charny. Là seulement, et après une assez longue maladie, je vis que le cardinal n'était pour rien dans cette affaire. Là seulement, j'appris de monsieur de Charny lui-même que voyant une jeune fille avec trois hommes masqués dans un carrosse, la nuit, aux portes de Paris, et soupçonnant dès lors un enlèvement, il les avait attaqués et mis en fuite, l'épée à la main, aidé de l'un de ses gens, qu'il m'avait confié à sa parente, et demandait à me venir visiter. « L'infâme !» murmura le capitaine sans que Suzanne pût l'entendre. « Voilà tout ce que je sais, capitaine, » poursuivit Suzanne. « Voilà ce que je confie à la loyauté d'un ami de mon père. Vous savez le nom que je porte. » Ces habits étrangers à mon sexe, je ne l'ai pris que pour suivre le chevalier. Ce secret est déjà connu de la comtesse. Il m'a été surpris. Qu'il n'en soit pas de grâce ainsi du vôtre. Je serai la fable de la cour, et le cardinal lui-même poursuivrait peut-être en moi la fille d'un homme sur lequel il s'est cependant assez vengé. « Oui, vous dites vrai, » poursuivit Malagotti, « car votre père est mort à la Bastille en maudissant le cardinal. » Il est mort sans vous presser sur son cœur et croyant sa fille au séjour des anges. Après tout, continua-t-il en passant la main sur ses moustaches, il vaut mieux, voyez-vous, qu'il soit mort ainsi au lieu de voir votre déshonneur. Mon déshonneur ? S'écria Suzanne en se cachant le front de ses mains. Oui, votre déshonneur, reprit-il, mais je saurai y mettre ordre. Je saurai forcer le chevalier à vous tenir sa promesse. J'ai certains dépôts à lui remettre. Et ce dépôt vient d'une personne qu'il ne récusera pas. Si vous me rendiez son amour, capitaine Malagotti, je vous regarderais comme mon second père. Hélas, le chevalier m'aime à peine. Je viens d'en avoir encore la preuve il n'y a qu'un instant. Oui, il n'a pas craint d'écrire à la comtesse de Liche, à la comtesse, chez qui j'ai dû fuir après l'aveu formel qu'il m'a fait hier de son amour. Il rôdait tout à l'heure sous ses fenêtres, lui ou son émissaire, car la nuit était si noire. Par le diable, fit le capitaine, je le reconnais bien là. Il y a chez lui un sang qui ne peut mentir. Mais il faudra bien qu'il m'obéisse à moi. Moi, qui ne me goûtais guère en venant à Saint-Jean-de-Luz du rôle que j'y devais jouer. Le cardinal Mazarin espérait m'y faire retenir en prison pour ne lui avoir permis, il y a 4 ans, la correspondance de la duchesse et celle de votre père lorsqu'il me chargea de l'arrêter. Comment ? « Ce serait vous ?»« Oui, certainement, c'est moi, » reprit le capitaine. « Moi, qui, sur l'ordre du cardinal, frappé aux portes du château de Chaumont pour y surprendre le comte de Cernay. Je faisais alors partie du régiment des gardes affectés à la personne de Mazarin. Mais rassurez-vous, mademoiselle Suzanne, je connaissais votre père, j'avais servi avec lui, et un avis secret donné par moi l'avait averti, la veille encore, de brûler les papiers que j'avais mission de saisir. S'ils eussent été aux mains du cardinal, il y allait de la tête pour le comte de Cernay. Quand je lui demandais son épée, il me la remit en me disant « Je connais la tienne. Elle m'a sauvé bien des fois, Malagotti, en Flandre et en Catalogne. Tu vas me conduire sans doute à la Bastille, où l'on ne manquera pas de me faire bientôt mon procès. La seule grâce que je te demande, c'est de me ramener à Paris avec ma fille, ma Suzanne, qui bientôt ne va plus avoir de père. Je la recommanderai à un ami de Madame la Duchesse de Châtillon. » Il n'en put dire davantage, la cloche du château sonnant tout d'un coup l'incendie comme un tocsin, et le feu se propageant avec rapidité du bâtiment où se trouvait la chambre de la duchesse aux autres ailes du château. « Ma fille » s'écria-t-il, « sauvez ma fille !» M'élançant l'or vers votre appartement, je vous y cherchais en vain à la lueur des flammes et sur un parquet dont chaque poutre tremblait sous mes pieds. Quand je reparus seul, les cheveux à demi brûlés, couverts de sueur et mes habits en lambeaux, le comte ne comprit que trop son malheur. Il voulut se percer de son épée, oubliant sans doute que je l'avais désarmé, suivant mes instructions. « Ma fille » continuait-il à crier en jetant de l'or au paysan de Chaumont accouru au son de cette cloche qui tintait comme un glas funèbre. Mais nul n'osa se risquer, et nous vîmes bientôt cette partie du manoir s'écrouler avec fracas. Transporté à la Bastille, le comte y attendit dès lors son arrêt avec calme. Il n'avait plus rien qui pût le retenir à la vie. Il en avait fait le sacrifice à dater de cette nuit fermée sur sa fille comme le marbre d'une tombe. Madame la duchesse de Châtillon, accusée d'avoir voulu attenter à la vie du cardinal, fut cependant remise en liberté. Mais Mazarin haïssait votre père. Il le laissa languir et mourir sous les froides voûtes d'un cachot quand il venait lui-même de signer la grâce de la duchesse. Lorsque je revis Madame de Châtillon, lorsque je la pressai de me donner quelque lumière sur vous, pauvre enfant, vous à qui votre père tendait vainement les bras à son lit d'angoisse et de mort, elle se contenta de confirmer les bruits du village. Elle m'assura que vous aviez péri, victime de cette nuit fatale. Après laquelle, je brisai mon épée pour ne plus servir un pareil maître. Craignant dès lors sa colère, car la duchesse ne me cachait pas que le cardinal m'attribuait l'anéantissement des papiers du comte, je passai en Espagne, où j'espérais vivre à l'abri de ses poursuites, lorsque mon imprudence d'hier m'a perdu. J'ai dit tout haut mon nom à cette table où l'un de ses espions était assis, et le matin il m'a fait saisir. Mais je connaissais les prisons d'Espagne. Je les avais visitées en enlimant un de mes barreaux, pendant que l'orage forçait mes gardiens à s'agenouiller tout tremblant dans la chapelle, devant l'image de Notre-Dame d'Atocha. Malagotti, interrompit la jeune fille, vous ne pouvez être encore en sûreté. Fuyez, fuyez, cherchez un asile ailleurs qu'à Saint-Jean-de-Luz. Laissez donc. Je n'ai rempli encore que la moitié de ma tâche en ayant cette conférence avec vous. Il faut maintenant que je parle au chevalier. Pour le provoquer, pour vous exposer peut-être à de nouveaux périls, je ne le souffrirai pas, capitaine. Fuyez, vous dis-je, fuyez. Le peu d'or que je possède est à vous. Il ne saura jamais payer votre loyauté et votre cœur. De l'or, reprit en riant Malagotti. Oh, je ne suis pas encore si pauvre. Votre père a daigné se souvenir du seul homme à qui il ait pressé la main avant de mourir, de celui qui ne l'a jamais abandonné. Un de mes amis, resté à Bayonne, me fait encore passer quelques sacs d'écus avec lesquels je bois à la mort du cardinal. Oui, pour celui-là, reprit le capitaine, je ne lui pardonnerai de ma vie de me faire parler à une aussi noble fille que vous en simple haute chausse et sous son propre manteau. Mais, mademoiselle, ajouta le capitaine, je n'avais pas le choix du costume. Vous allez demeurer chez la comtesse. Je vais la prévenir. Elle vous enverra un de ses gens, avec des habits, dans ce pavillon. Pour ce qui est de la parure, j'accepte, car j'ai toujours aimé, en France du moins, apporter un pourpoint qui fût de la bonne faiseuse. Et puis j'ai mon projet. Je compte, au premier jour, me présenter à quelqu'un qui vaut bien le cardinal. À qui donc ? Laissez-moi faire, cela me regarde. Mais on vient, je crois. J'aperçois un page en grande livrée. C'est un des pages de la comtesse, capitaine. Elle est sans doute inquiète de cet entretien qui se prolonge. Permettez que je lui dise un mot. Et plus légère qu'une biche, Suzanne s'échappa du pavillon et courut elle-même au-devant du page à qui elle parla. Celui-ci revint bientôt avec deux laquais portant un coffre de laque. Dans ce coffre, il y avait un équipement complet pour le capitaine, qui ne tarda pas à ouvrir de grands yeux et à lever les mains au ciel, rien qu'en voyant les dentelles et les plumes du chapeau dont la comtesse lui faisait don. C'était un fort beau pourpoint de satin noir, avec une fraise à l'espagnol, un feutre à pompons, un manteau et une épée. Fidèle à la mode française, le capitaine portait une perruque la veille encore. Il demanda bientôt à Suzanne la permission de s'habiller, et quand il sortit du pavillon les cheveux ras et noirs de la tête aux pieds, il avait vraiment l'air d'un Castillan. Malagotti se promit bien de profiter de ce changement complet de toilette et de personne, et de le faire servir à ses projets pour les jours suivants. Il n'hésita pas à présenter galamment la main à Suzanne et prit le chemin des appartements de la comtesse.